Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le scandale du gaz naturel de 1958. Cette série d'articles du Devoir, les conséquences, les rebondissements qu'ils ont entraînés, ont marqué le début de la fin du régime de M. Duplessis à l'époque. C'est en juin 1958 que le journal Le Devoir publie la série d'articles dont parle le journaliste Michel Roy dans cet extrait. Le 13 juin 1958, Le Devoir publie un premier article qui accuse certains ministres du gouvernement Duplessis d'avoir profité personnellement de la vente du réseau public de gaz naturel à une compagnie privée en achetant des actions de cette compagnie avant que ne soit adoptée la loi privatisant ce réseau public. Le Devoir accuse ces ministres de s'être placés en situation de conflit d'intérêts et d'avoir participé à un délit d'initié en agissant de la sorte. Nous avions prévu 5 articles, n'est-ce pas? Ordonnés selon un plan d'ensemble qu'on avait soigneusement établi à l'avance. Première réaction de M. Duplessis, qui est assez habile d'ailleurs, vous accusez des gens du régime, des ministres, des députés, d'avoir acheté des actions, d'avoir réalisé des bénéfices énormes. Alors je vous prie, messieurs, de les nommer. Apparemment convaincus, semble-t-il, que nous n'avions pas de nom. Alors dès le lendemain samedi, au lieu de passer l'autre article qu'on avait en tête, nous avons décidé d'intervertir l'ordre des articles et de publier l'article qui indiquait les noms, justement. Ça a été véritablement la grande bombe. Je pense que la grande bombe, elle a été lancée le vendredi 13 et puis elle a en quelque sorte éclaté le samedi 14, quand nous avons publié la liste des noms. Les ministres, Antonio Barrette, ministre du Travail, 350 actions, achetées à 4 dates différentes. Johnny Bourque, alors ministre des Ressources hydrauliques, responsable de l'Hydro-Québec, maintenant ministre des Finances, 72 actions. Onésime Gagnon, alors ministre des Finances, maintenant lieutenant-gouverneur, 2 800 $ d'unité, actions et obligations. Daniel Johnson, député, maintenant ministre des Ressources hydrauliques, 100 actions. Extrait de l'émission Noir sur blanc, diffusée en 1975. On y entendait à nouveau Michel Roy, journaliste au Devoir à l'époque du scandale du gaz naturel, pour nous raconter cet épisode croustillant de l'histoire politique du Québec des années 50. Je reçois l'historien et politologue Jean-Charles Paneton, qui a signé une biographie de Pierre Laporte, publiée aux éditions Septentrion en 2012. Pierre Laporte, qui est le journaliste derrière cette série d'articles qui va conduire au scandale du gaz naturel. Jean-Charles Paneton, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord sur... Ça nous rappelle certains souvenirs plus récents. On comprend déjà un peu à quoi on a affaire avec le scandale du gaz naturel. Quelle importance aura ce scandale-là à l'époque, mais je dirais plus largement dans l'histoire politique du Québec au 20e siècle? Michel Roy mentionnait tout à l'heure que c'était une bombe. Effectivement, c'est une bombe politique. Ça amorce, en fait, la fin du régime Duplessis. Il faut dire aussi, ajouter peut-être, faire une précision, en fait, c'est que Duplessis, dans ses deux dernières ou trois dernières années, est un homme qui est très, très malade. Et il est, d'après ce que disent Pierre Laporte et d'autres qui le côtoient, l'ombre de lui-même, beaucoup moins d'attaques. Donc, un chef affaibli. Est affaibli. Exactement. Et cette histoire-là de scandale du gaz naturel arrive à un très moment pour lui, d'ailleurs, politiquement. Et ça fait en sorte que cette histoire-là va rester et va le suivre jusqu'à son décès qui survient en septembre 1959. Et c'est ça qui est nouveau pour Duplessis. Bien sûr, il est affaibli, mais habituellement, c'est un combatif. Là, il va se retrouver sur la défensive, dans les câbles. Et ça, vraiment, on n'a pas vu ça. On n'a jamais vu ça depuis qu'il est au pouvoir. Comment ça éclate, ce scandale-là? C'est vraiment Le Devoir, la publication du premier article, qui est le point de départ du scandale? Oui, tout à fait. En fait, Pierre Laporte va se lancer dans une enquête à partir d'avril par un subterfuge qu'il développe avec Gérard Filion, qui est le directeur du Devoir de l'époque. Et ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va s'acheter des actions de cette compagnie-là, de la Corporation du gaz naturel du Québec. Et en devenant donc actionnaire, il peut accéder aux listes des autres actionnaires. C'est ce petit subterfuge-là qui lui permet d'avoir la liste, en fait, des ministres dont on a fait une première énumération tout à l'heure. Et donc, publication avec tout ce qui va s'en suivre. Il y a quand même pas mal de ministres qui sont impliqués dans ce scandale-là, des hauts fonctionnaires, des sous-ministres. Comment expliquer que ça touche autant de monde? À nouveau, je vous propose d'écouter Michel Roy à l'émission Noir sur blanc en 1975. Vous savez que la presse, en général, n'était pas particulièrement vigilante. On dénonçait beaucoup, mais on présentait rarement des faits. Et c'est ça qui était la faiblesse, finalement, de l'opposition, souvent, l'opposition dans la presse. Il est très beau de dénoncer des attitudes, l'autocratie d'un régime, mais encore faut-il amener des faits. C'est avec ça qu'on peut impressionner l'opinion publique. Or, quand nous avons découvert ces noms, nous avons été nous-mêmes très étonnés de voir que ces messieurs ne prenaient aucune précaution. Pourquoi? L'explication qu'on s'est donnée à l'époque, c'est qu'ils se sont dit « personne n'ira regarder ça, personne n'ira contrôler ». Pourquoi, par exemple, les actions achetées par, je ne sais pas moi, Monsieur Johnson ou Monsieur Dozois ou Monsieur Miquelon, quelqu'un irait-il vérifier dans le livre des actionnaires, auquel il était possible d'accéder d'ailleurs. Les chiffres et les noms étaient là dans le cahier. Ils se sont dit « personne n'ira voir ça ». Et si quelqu'un jamais le voit, eh bien, il ne fera pas le lien avec l'opération. C'est intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce que nous dit Michel Roy sur l'époque. Le travail journalistique de la presse parlementaire à ce moment-là, c'est un tournant pour le gouvernement Duplessis, cette affaire-là. C'est peut-être aussi, on pourra y revenir, mais un tournant pour la presse parlementaire. Le laxisme, une espèce d'insouciance. Bien sûr, c'est une fin de régime, mais on sous-estime la capacité de la presse à découvrir une affaire comme celle-là. C'est ce que nous dit Michel Roy. C'est ce que dit Michel Roy. Il y a peut-être certaines précisions. Oui, dans l'ensemble, il y a une grande complaisance de l'ensemble des médias envers le gouvernement Duplessis et depuis fort longtemps. Et même, il faut rappeler que Le Devoir a appuyé le gouvernement Duplessis en 52 et même avant, auparavant. Mais il faut aussi dire qu'il y a des exceptions dans ce portrait-là. Il y a des journalistes d'enquête, il y en a très peu. Il y a entre autres Pierre Laporte. Et Laporte fait, au fil des années 50, quelques enquêtes précises, entre sur le barrage de la rivière Bercimis, où il y a un ensemble de contrats qui ont été octroyés de façon un peu nébuleuse. Il tente de documenter le plus possible cette histoire-là, entre autres, mais ce n'est pas évident nécessairement parce que tous les documents ne sont pas accessibles facilement et les dénonciations à cette époque-là sont plutôt rares envers le gouvernement Duplessis. Il y a quelques enquêtes. Laporte fera aussi une enquête sur toute la question du financement de Lyon National. Il va réussir à établir le profil de l'organisation comme telle de ce parti-là c'est des choses qui seront par la suite confirmées un peu plus tard. Mais quand même, de la part de bon nombre de députés, ils sont nombreux, là, ministres, députés, encore une fois, hauts fonctionnaires. Conseillers législatifs aussi. Ouais. Une espèce d'insouciance. On y va gentiment, gaiement, et on ne se fera pas prendre, au fond. Ce sentiment-là est très fort à ce moment-là. Que c'est, dans la mesure où il y a autant de monde impliqué dans ce scandale-là, Jean-Charles Baneton, que c'est le premier ministre lui-même, Maurice Duplessis, de cette affaire-là? Il en sait, je pense, très peu de cette histoire-là. Peut-être a-t-il entendu des choses. C'est très difficile de répondre. Duplessis n'a jamais lui-même répondu à cette question-là, bien évidemment. Et on n'a pas approfondi, exploré, en fait, enquêté par la suite de façon détaillée sur l'histoire du gaz naturel. Mais chose certaine, il est complètement surpris, abasourdi, de voir que ça sort et que l'ensemble des noms, tous ces noms-là dont on a énuméré, et ce sont les principaux ministres de son gouvernement, que ces noms-là vont sortir publiquement. Et son réflexe, ce ne sera pas de répondre à la question comme telle, ça va être de vouloir mettre un peu le couvert sur la marmite pour empêcher toute forme de discussion même autour de l'affaire du gaz naturel. Il y aura toutes sortes de stratégies, mais sa première réponse, puis on le signalait au tout début de l'émission, c'est de défier un peu Le Devoir en disant, quand le premier article est publié le 13 juin 58, ce vendredi 13 juin, il dit, si vous êtes si certain de votre affaire, publiez les noms, bang, Le Devoir publie les noms le lendemain. Quelques jours après l'éclatement de cette affaire, c'est là vraiment où Duplessis va, voyant l'ampleur que ça prend, va sortir de ses gonds. Il y a un épisode absolument succulent. Il convoque, il sait que Pierre Laporte est en congé en vacances, pour quelques jours. Il convoque une conférence de presse. Dans ce temps-là, ça se fait au bureau du premier ministre, la conférence de presse. C'est Guy Lamarche, jeune journaliste à l'époque, qui est dépêché pour Le Devoir. Il va se faire expulser. Écoutez-le nous raconter cet épisode, encore une fois, l'émission Noir sur Blanc, en 1975. Alors j'arrive là, je constate que je dois entrer moi aussi dans un rituel qui avait lieu à chaque fois. Et les journalistes attendaient à la file, et puis il fallait qu'ils passent devant le bureau de M. Duplessis en lui disant bonjour, lui serre la main. Je viens pour lui serrer la main, et puis il me dit, hey, vous, qui êtes-vous? Je vous connais pas. Ben, j'ai dit, moi, je suis représentant du Devoir. Et sa main n'a même pas touché la mienne, il s'est retiré immédiatement. Et il a dit, dors tout de suite. Je m'y attendais un peu. J'avais été prévenu. Alors, au lieu d'aller vers la porte, je suis plutôt allé vers le centre de la pièce. Et là, il a sonné son secrétaire, puis il a dit « Appelle-moi Duchesne ». Duchesne, c'était son garde du corps, mais c'était un agent de la police provinciale qui est arrivé. Ça ne s'appelait pas la Sûreté du Québec à ce moment-là. Puis c'était un gars assez costaud, alors Il est venu vers moi et puis je l'ai suivi, en fait. Puis pendant ce temps-là, Duplessis me traitait d'effronté puis il disait que j'avais rien compris à la liberté de la presse, puisque moi, je lui disais, écoutez, vous convoquez une conférence de presse, puis moi, je travaille pour un journal, j'ai le droit d'être ici. Mais il était en dépression, évidemment. C'est assez surréaliste ce qu'on vient d'entendre. Remarquez qu'on peut penser à des exemples plus récents, pas très loin de chez nous, où certains chefs d'État se comportent de manière assez cavalière en refusant de droit de parole. En excluant certains médias. Oui. Certains journalistes. Il reste que ça en dit long, cet extrait, sur ce que Maurice Duplessis, Jean-Charles Paneton, pense du travail de la presse. Oui, dans la mesure où la période où il était à la tête du gouvernement, il n'a jamais eu ce type d'opposition réelle-là. Il a eu quelques fois, oui. Et ça a donné lieu à des échanges encore plus virulents, entre autres entre lui et Pierre Laporte, en pleine assemblée législative. Il va l'accuser, le traiter d'à peu près tous les noms, parce qu'il aura publié justement cette histoire au sujet du barrage Bercimis que je mentionnais tout à l'heure. Et on ne peut pas critiquer Maurice Duplessis et son gouvernement. Et on ne peut pas critiquer Maurice Duplessis. Maurice Duplessis a deux choses en horreur politiquement. Il n'accepte pas l'opposition. D'aucune façon. La façon dont il a traité aussi Georges-Aimé Lapalme, le chef du Parti libéral, on pourrait en parler aussi. Et les critiques, évidemment, qui viendraient de la presse, ça non plus. Et il n'est pas été habitué à en avoir. Le seul journal qui lui résiste le moindrement, à un moment donné, à partir d'un certain moment donné, d'ailleurs, c'est Le Devoir. Mm-hmm. Et donc, là, on voit lors de cet événement-là à quel point il a en horreur ce journal-là. À quel point il ne veut plus avoir de journalistes autour de lui de ce journal. L'expulsion de la marche, comment ça va être reçu par les autres médias qui voient qu'un de leurs collègues est expulsé carrément du bureau du premier ministre par la manière forte? C'est un des effets les plus marquants de cette histoire-là. Bon, ça ébranle le régime, on l'a dit tout à l'heure, mais ça va conscientiser, sensibiliser, en fait, les autres journalistes qui sont sur place et qui réalisent tout à coup que c'est pas normal qu'un chef d'État exclue comme ça un journaliste parce que ça fait pas son affaire. Et là, c'est la liberté de presse elle-même qui est menacée. Et donc, ça va amener, en fait, entre autres, la presse, l'Action catholique, le Soleil, à être beaucoup plus critique. C'est un peu la fin de la complaisance de plusieurs journaux. Bien sûr, il y a des journaux de parti, l'Union nationale en possède plusieurs, Le Temps, etc., tout ça. Eux, ça ne changera rien au niveau du ton, au niveau de l'éditorial. Mais dans d'autres grands quotidiens, comme ceux que je viens de mentionner, oui, le ton va changer. Mm-hmm. On va être beaucoup plus critique envers le gouvernement Duplessis. Mais Duplessis est une fine mouche, un fin stratège politiquement. Il a vu neiger, comme on dit. Il aura une stratégie qui, encore là, peut nous rappeler aujourd'hui ce qu'on appelle les poursuites Bayon. Il va décider de poursuivre lui-même et il va encourager ses ministres et députés à poursuivre Le Devoir. Ce qui fait que Le Devoir va se retrouver avec une quinzaine de poursuites. Pourquoi? Quel est l'objectif derrière cette manœuvre-là? Bien, c'est très simple. C'est qu'en amenant la question, en fait, cette affaire-là devant les tribunaux, on ne peut, à partir de ce moment-là, on ne peut plus le commenter. Et on peut non plus ne plus intervenir à l'Assemblée législative sur cette question-là. Et Georges-Aimé Lapalme le souligne à l'époque de façon très claire. C'est un coup de maître. Ça démontre tout le machiavélisme de Maurice Duplessis. On ne pourra pas discuter du tout de cette question-là au sein de l'enceinte parlementaire. Donc, c'est le silence. Il bâillonne et il impose une sorte de silence, tente en fait d'imposer une sorte de silence sur cette question-là. Et même les médias, dans le fond, ne pourront plus non plus aborder ça. Mm-hmm. Le Devoir va le faire un peu plus tard, par la suite, il va le faire, il va aborder encore cette question-là. Et là, on va à nouveau déposer de nouvelles poursuites et ça entraîne en fait toutes sortes de situations compliquées, autant pour le journal que pour ceux qui sont les journalistes qui sont visés par ces poursuites. Mais malgré tout, cette affaire-là va continuer, puis ça va durer des mois, à coller au basket, passez-moi l'expression, du gouvernement Duplessis. Il traîne ça comme un boulet, il ne peut pas s'en débarrasser. Puis on revient un peu à cet homme affaibli dont vous parliez un peu plus tôt, mais on le voit comme on ne l'a jamais vu sur la défensive. On est vraiment devant un gouvernement déstabilisé. Ça ressemble à quoi, politiquement, les mois qui suivent cette affaire-là? Bien, il va... Duplessis, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un élément important sur pourquoi je le mentionnais. Il est assez malade. C'est un homme qui est en fin de vie. Donc, il va mourir le 6 septembre 1959. Donc, on est à moins d'un an. Et sa santé s'est beaucoup détériorée. Donc, il va plutôt carrément être sur la défensive. Lui, qui a toujours été d'attaque, mm-hmm. qui a toujours été une politique de foncer, de confronter, il va plutôt se faire silencieux. Il va se faire, bon, très discret sur certaines questions. André Laurendeau va l'exprimer très, très bien dans un de ses éditoriales. Quand il parle du Rouanègue, il va dire que le régime est touché, en fin de compte, que même dans certains cas, ça ressemble à de la panique au sein même du gouvernement. Et donc, c'est un tout autre toute autre image, en fait, mm-hmm. du gouvernement Duplessis, là, à laquelle qu'on va observer à ce moment-là, à partir de ce moment-là, comme tel. Et ce qui est assez ironique, quand on remonte un peu le temps de l'histoire, le cours de l'histoire, c'est que, au fond, en fin de régime, Maurice Duplessis va reproduire exactement ce qu'il reprochait à Taschereau. Et c'est à partir de ces travers, de cette corruption du gouvernement Taschereau que Duplessis va prendre le pouvoir. C'est un copier-coller, là, auquel on assiste. Oui, effectivement, ce qui avait à l'origine fait de Maurice Duplessis un chef politique populaire et connu, c'est ses interventions au comité des comptes publics, comme on l'appelait, en 1936, alors qu'il confronte Louis-Alexandre Taschereau sur un scandale, en fait, et provoque, en fait, la démission de Louis-Alexandre Taschereau comme premier ministre. Oui, on revient dans les mêmes thèmes, et ce qui avait fait la chute de ce gouvernement-là, Taschereau, en fait, provoque non pas la chute du gouvernement Duplessis, mais l'affaiblit considérablement, et son décès le 6 septembre 59, ben, en toute fin pratique, là, si on oublie la petite parenthèse désormais, met fin effectivement à l'ère Duplessis. Oui, le désormais de Paul Sauvé. Le désormais de Paul Sauvé, tout à fait. Qui va mourir à son tour. Évidemment, cette partie de l'Union nationale est frappée, là, c'est par deux chefs en quelques mois. Défaite en 60, c'est l'arrivée de Jean Lesage. Est-ce que l'affaire... Bon, évidemment, il y a le contexte de la Révolution tranquille. Est-ce que quand même cette affaire du scandale du gaz naturel a un effet électoralement en 1960? Oui, elle a un effet. Je dirais qu'elle a un effet plutôt limité sur les clientèles électorales traditionnelles de l'Union nationale qui vont passer outre. Mais oui, elle a un effet absolument. Elle appelle plein de candidats. Elle appelle une combativité au sein des rangs libéraux pour changer les choses, changer entre autres toute cette corruption qu'on a sentie. C'est le symbole au fond, le gaz naturel, d'une culture. Là. D'une culture d'un gouvernement vieillissant qui faisait moins attention, plus insouciant et qui faisait preuve de corruption jusqu'à un certain point. Et toute la question du financement aussi du parti de l'Union nationale devient problématique. Mmh. Et donc, la commission Salvaz va permettre par la suite, celle que va créer Jean Lesage, va permettre d'éclairer à tout le moins tout ce pan-là du financement occulte de l'Union nationale. Et la commission Salvaz va confirmer tout ce que Laporte avait écrit, au fond. Absolument. Voilà. Ouais. Ce que Laporte avait fait dans les années 50, ben, ça se confirme avec l'enquête que vont mener les commissaires de cette commission-là. Aucune accusation, par ailleurs, au terme de cette commission Salvas. Comment est-ce possible, Jean-Charles Panton? Vous m'amenez sur une question un petit peu délicate. Et ça a été l'objet d'un conflit entre Georges-Émile Lapalme, qui est à l'époque, d'ailleurs, procureur général du gouvernement Lesage, au départ, en plus d'être ministre des Affaires culturelles. Lapalme avait vécu très durement tout au long des années 50, ce qu'il appelait sa traversée du désert. Il avait vécu confronté à Maurice Duplessis, qui était très dur avec lui. Ça a été des années très difficiles. Il a vu cette corruption-là, il a vu tout ça, et lui voulait aller beaucoup plus loin. Jean Lesage avait un propos un peu plus modéré. Qu'est-ce qui justifiait cette modération-là? Ben, il faudrait en faire la preuve aujourd'hui, mais ce qu'on peut en dire, c'est Jean Lesage a beaucoup collaboré dans les années 50 avec l'Union nationale, avec les organisateurs de l'Union nationale. Il y avait une certaine proximité. Lesage était député fédéral dans le gouvernement de Louis-Saint-Laurent, et on a parlé de ça, et plusieurs historiens en ont parlé. Il y avait une collaboration entre l'Union nationale et le Parti libéral du Canada à l'époque. Et ces collaborations-là pour se poursuivre dans une moindre mesure, mais tout de même se poursuivre dans les années 60. Je pense que Lesage n'a pas voulu, en fait, se mettre à dos plusieurs organisateurs devenus libéraux, mais qui étaient unionistes à l'époque. Il a voulu y aller doucement et ne pas conclure l'enquête par une série d'accusations comme telles. 62, autre élection. On en a déjà parlé ensemble au cours de l'émission, cette fameuse élection sur la nationalisation de l'hydroélectricité. C'est Daniel Johnson qui avait acheté des actions, on l'entendait au début de l'émission, de cette compagnie qui bénéficiera de la privatisation du gaz naturel au Québec. C'est Daniel Johnson qui est le candidat de l'Union nationale. Il sera défait par Jean Lesage, mais ça va continuer, cette affaire-là, de le suivre. Écoutez un extrait du débat des chefs, le premier débat télédiffusé de notre histoire, extrait du débat qui oppose Jean Lesage à Daniel Johnson en 62. C'est Daniel Johnson qu'on entend. Monsieur Lesage a colporté des accusations fausses. Je n'ai jamais eu 150 unités de gaz naturel. C'est une erreur du juge Salvas, qui était tellement anxieux de salir un député de l'Union nationale, puisque j'étais député à ce moment-là, qu'il n'a pas pris la peine de vérifier les livres. J'avais moins d'actions et je les ai achetées dans le cours normal des opérations puisqu'il y a longtemps que je jouais à la bourse. J'en avais moins que le sénateur Bouffard, j'en avais moins que l'honorable Philippe Bray, j'en avais moins que l'honorable, que le fils de M. Briand, j'en avais moins que M. Ralph Quintenay, collègue de M. Lesage à Ottawa. J'en avais à peu près la même quantité que l'honorable Paul Martin, ministre à Ottawa. Bon, le scandale du gaz naturel se retrouve donc, Jean-Charles Paneton, au débat des chefs en 1962. Ça veut dire que ça reste encore quelque chose d'embêtant pour l'Union nationale. Est-ce que ce sera par ailleurs déterminant en 62 pour l'Union nationale? Je pense que c'est plutôt le thème vraiment de l'étatisation des ressources hydrauliques, des compagnies en fait qui opèrent, qui s'occupent des ressources hydrauliques au Québec, qui est au centre de la campagne électorale. Et à mon avis, cette question-là, elle est plutôt périphérique. Mais on en profite quand même pour toujours rappeler aux électeurs que Johnson, l'Union nationale, c'est ça. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, ce scandale du gaz naturel. En même temps, quelques années plus tard, en 66, le même Daniel Johnson prend le pouvoir, devient premier ministre, l'Union nationale reprend le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut conclure de ça, Jean-Charles Paneton? Est-ce que ça veut dire qu'en 66 déjà, il reste à peu près plus rien du scandale du gaz naturel au Québec? Bien, au départ, comme on le mentionnait tout à l'heure, la commission Salvas débloque sur aucune accusation. Ça finit un petit peu en queue de poisson, cette histoire-là, cette commission-là. Parce qu'il y a, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, une dissension au sein même du Conseil des ministres, du gouvernement Lesage. Donc, on est déjà passé à autre chose. La campagne électorale de 1966 va se faire essentiellement... Daniel Johnson lui fait porter sa campagne sur le fait qu'on a alourdi le déficit, que le gouvernement, que l'État est rendu partout. Il utilise les autobus jaunes qui serpentent maintenant les campagnes comme étant justement le symbole de l'omniprésence et de l'invasion de l'État dans la vie de tous les Québécois. Et c'est là-dessus que la campagne va porter principalement. Et je pense que cette histoire-là remonte à très loin, en tout cas pour beaucoup d'électeurs, et on en tiendra plus ou moins compte. Le jour du vote. Ouais. Ça, c'est fascinant quand même, parce que ça a été une affaire importante. Quelques années plus tard, on est passé à autre chose. Et ça encore, des exemples plus récents nous montrent que l'histoire ne cesse de se répéter. Oui, et vous savez, Daniel Johnson riait beaucoup de Jean Lesage parce qu'il y a eu plusieurs petits problèmes de patronage au sein même du Parti libéral dans les années 60 et Johnson va l'utiliser beaucoup. Alors, il devient embêtant à ce moment-là, dans un camp comme dans l'autre, de revenir sur la question de la corruption ou du patronage, de ces thèmes-là en tant que tels, parce que ce n'est pas rentable électoralement, ni pour les libéraux et ni pour les unionistes. Jean-Charles Paneton, historien, politologue, merci beaucoup de votre participation à l'émission. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.